yosalin sambiranga. Yahweh, Yahweh, Nzambe na lola, totatoli yosali Nzambe. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Mokili molunge mokili mbonzo Liziba na mai na zwana wapi Na zonge liyo liziba ya bomoy Yonde opesa kimia na mosema eh. Yawe, yawe, yawe, yawe, yawe, yawe, yawe, yawe, yawe, yawe, yawe, yawe, yawe, yawe, yawe, yawe, Na mokili oyo moto na moto na mwa litsitsi na e Kasi masia yonde makasi nanga Liziba bisika na zwa makasi yo Yawe na pesa lukumu Chantia Congo, babengi ba chinois. Oya bomo inanga na bengi masia. O moderniza mote mananga kolo. Zikanga na netola yo ya ya. Yawe yawe yawe. Yawe yawe yawe. Na zana nsemi ya monene nzambe nanga. Nazipami na molimo mosantu na lingina bota masanzoli baba masanzoli ango kombo nango yesu we na bosi yesu we na yemi yesu we yawe yawe yawe Nazosanzola kombo yo na kota abonnement eternel na tiba ase de giga pona kosanzola mokonzi na lola Papa nanga obongi na tembo nyonso Longa nanga, elika nanga. Nayembeliyo na kumisiyo, elonga nanga, elika nanga. Oh, na detoliyo, na santoliyo, makasi nanga, yambalo yembo. Nayembeliyo na kumisiyo, elonga nanga, elika nanga. Oh, na detoliyo. Papa, Abba, Abba, Papa, Molly, Molly. se que le na bango paole ba bomba integrite yo ne se que le na bango paole ba tele mi sango indicolo yo ne se que le na bango como ya ya yesue como ya cafe se que leo como ya ya yesue como ya cafe se que leo do yemba se que leo ya ba se que leo na musala na ba se que leo ya ya se que leo Zande pona kokume sa yo mokeli mokeli wa fanda na ngwele mokeli wa bongi na nyonso bisika kombo ya mokeli etanga maka nyonso efuka maka bisika kombo na yo Yesu etanga maka kombo mosusu etanga maka Elle déclare, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. La maladie fléchit devant le nom de Jésus. Nos problèmes fléchissent devant le nom de Jésus. Nos difficultés fléchissent devant le nom de Jésus. Nous sommes là pour toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez raté cette partie-là. Quelque part, on a dit... Baoyo basala bikamwa e Bekomba oyo babota bana e Baoyo batia poudre examen d'état e Oh ya ya Yesu e Yes, we are not. nyaba kontra ya mbongo ebele yonde sekele na bango baselibatere oyo balata lopete yonde sekele na bango baeba banda baentreprise ya milion kama o yonde sekele na bango basengi yaya yeswe Nous pouvons faire vraiment une prière. Jésus soit ma force. Jésus soit mon tout. Jésus soit la racine où je suis réellement bâti. Jésus soit le secret de ma force. Quand personne ne me verra, quand personne ne saura, toi et moi, puisque nous nous rencontrons dans les endroits secrets, il est écrit, si tu veux prier, va dans le lieu secret. Invoque ton Père qui est dans le secret. Il t'entendra. Oh, toi, le Dieu de mes secrets. Toi qui connais ce qui se passe en secret. Je te bénis, toi qui sais ce qui se cache sous l'herbe qui germe. Lorsque l'herbe germe, tu vois la racine. Tu es la racine qui me permet de me soutenir encore. Tu es la force que les autres ne peuvent pas connaître. Tu détiens mes secrets. Tu détiens mes secrets. Les secrets de Samson étaient dans ses cheveux. Mon secret se trouve entre tes mains. Là où personne ne peut raser. Là où aucun Dalila ne peut couper. Je suis caché en Christ. Christ dans le Père. Je suis entre de bonnes mains. Dans le lieu élevé en Christ. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Dans le secret. Dans le secret là. C'est là que j'apprends à t'appeler par un nom nouveau. Dans le secret là. C'est là que j'utilise un autre nom que personne ne m'a montré. Le nom que tu m'as démontré dans mon quotidien. C'est là que je prends un vocabulaire que je n'ai pas emprunté. L'expérience me l'a dicté. Je t'appelle par des noms qui ne viennent pas de ma langue maternelle, qui vient du langage d'un adorateur qui a expérimenté Dieu. Là, dans les secrets, là où personne n'est monté, quand je suis allé pour offrir Isaac, là, dans les secrets, là où les serviteurs ne sont pas montrés, là où se trouve le bélier, je ne l'ai pas apporté, il m'attendait à la montagne, là, dans les